Chapitre 43e. Pardonnez-moi de vous avoir quitté, ma chère Ernestine, dit Herminie à son amie. C'était une lettre et j'ai fait une réponse verbale. Je vous en prie, Herminie, répondit Ernestine. Veuillez continuer vos confidences. Vous ne sauriez croire à quel point elles m'intéressent. Et moi, il me semble que mon cœur se soulage en s'épanchant. Voyez-vous, j'en étais bien sûr, répondit Ernestine avec une tendresse ingénue. Je vous disais donc qu'à la réunion de Madame Herbault, j'appris que ce jeune homme s'appelait Gérald Auvernet. C'est Monsieur Olivier qui me le nomma en me le présentant. Ah, il connaissait Monsieur Olivier. C'était son ami intime, car Gérald avait été soldat au même régiment que Monsieur Olivier. En quittant le service, il s'était employé chez un notaire, m'a-t-il dit. Mais depuis peu de temps, il avait renoncé à ce travail de chicane qui ne convenait pas à son caractère, et s'était occupé aux fortifications sous un officier du génie qu'il avait connu en Afrique. Vous le voyez, Ernestine, Gérald était d'une condition égale à la mienne, et libre ainsi que lui, j'étais bien excusable de me laisser entraîner à ce penchant fatal. Pourquoi fatal, Herminie? Quelques mots encore, et vous saurez tout. Le lendemain de notre rencontre chez Madame Herbault, vers la tombée du jour, de retour de mes leçons, j'étais assise dans le jardin dont le propriétaire avait eu l'obligeance de me permettre l'entrée. Ce jardin, comme vous pourriez le voir à travers la fenêtre, n'est séparé de la ruelle qui le borne que par une charmille et une palissade à hauteur d'appui. Du banc où j'étais placé, je vis passer Gérald. Au lieu d'être mis comme la veille avec une élégante simplicité, il portait une blouse et un large chapeau de paille. Il fit un mouvement de surprise en m'apercevant. Mais loin de paraître humilié d'être vu dans son habit de travail, il me salua, s'approcha et me dit gaiement qu'il finissait sa journée, qu'il venait de diriger certaines parties des constructions militaires que l'on exécute maintenant dans la plaine de Monceau. C'est un métier moitié d'architecte, moitié soldat qui me plaît mieux que la sombre étude du notaire, me dit-il. Ce que je gagne me suffit. J'ai à conduire de rudes et braves travailleurs au lieu de paperasser des procès, et j'aime mieux cela. Oh, je comprends bien cette préférence, ma chère Herminie. Sans doute aussi, je vous l'avoue, Ernestine, cette résignation à un travail pénible, presque manuel, m'a d'autant plus touché que Gérald a reçu une très bonne éducation. Ce soir-là, il me quitta bientôt et me dit en souriant que, dans l'espoir de me rencontrer quelquefois sur les limites de mon parc, il se félicitait d'avoir à passer souvent par cette ruelle pour aller voir un de ses anciens camarades de l'armée, qui habitait une petite maison que l'on apercevait en effet du jardin. Que vous dirais-je, Ernestine? Presque chaque soir, à la fin du jour, j'avais ainsi un entretien avec Gérald. Souvent même, nous sommes allés nous promener dans ces grands terrains gazonnés, où ce matin est arrivé l'accident de M. Bernard. Je trouvais dans Gérald tant de franchise, tant de générosité de cœur, tant d'esprit et de charmante humeur. Il paraissait enfin avoir de moi une si haute, et je puis le dire, une si juste estime que lorsque vint le jour où Gérald me déclara son amour et me dit qu'il ne pouvait vivre sans moi. Mon bonheur fut grand, Ernestine, oh bien grand, car si Gérald ne m'eût pas aimé, je ne sais pas ce que je serais devenu. Il m'eût été impossible de renoncer à cet amour, et aimer seul, aimer sans espoir, ajouta la pauvre créature en tressaillant et contenant à peine ses larmes, c'est pire que la mort, c'est une vie à jamais désolée. Mais surmontant son émotion, Herminie continua. Ce que je ressentais, je le dis franchement à Gérald. De ma part, ce n'était pas seulement de l'amour, c'était presque de la reconnaissance, car sans lui, la vie m'apparaissait trop affreuse. Nous sommes libres tous deux. Notre condition est égale. Nous aurons à demander au travail notre vie de chaque jour et cela satisfait mon orgueil, car l'oisiveté imposée à la femme est pour elle une cruelle humiliation. Notre existence sera donc modeste, Gérald, peut-être même précaire, mais à force de courage, appuyés l'un sur l'autre et forts de notre amour, nous défierons les plus mauvais jours. Oh, Herminie, quel digne langage! Comme M. Gérald a dû être heureux et fier de vous aimer. Mais encore une fois, puisque vous avez rencontré tant de chances de bonheur, pourquoi vos larmes, votre chagrin? N'est-ce pas, Ernestine, que j'étais bien excusable de l'aimer? Dit l'infortuné, en portant son mouchoir à ses lèvres pour en comprimer les sanglots. N'est-ce pas que c'était là de ma part un noble et loyal amour? Or, dites-le-moi, n'est-ce pas qu'on ne peut pas m'accuser de... Herminie n'acheva pas, ses larmes étouffèrent sa voix. Vous accuser? s'écria Ernestine. « Mais mon Dieu, de quoi vous accusez? N'êtes-vous pas libre comme M. Gérald? Ne vous aime-t-il pas autant que vous l'aimez? Laborieux tous deux, votre condition est égale. Non !» reprit Herminie avec accablement. « Non, nos conditions ne sont pas égales. Que dites-vous ? Non, elles ne sont pas égales. Hélas, c'est là mon malheur. Car afin de les égaliser en apparence, Gérald m'a trompé par de faux dehors. Oh mon Dieu, et qui est-il donc ? Le duc de Senneterre. » « Le duc de Senneterre ? » s'écria Ernestine, frappée de stupeur et d'effroi pour Herminie en pensant que Gérald était l'un des trois prétendants à sa main à elle, Ernestine, et qu'elle devait se rencontrer avec lui au bal du lendemain. Il abusait donc indignement Herminie, puisqu'il donnait suite à ses prétentions de mariage avec la riche héritière. Herminie interpréta la muette et profonde stupeur de son ami en l'attribuant au saisissement qu'une pareille révélation lui devait causer, et reprit « Eh bien, dit Ernestine, suis-je assez malheureuse ? Oh, une telle tromperie, c'est infâme ! Et comment avez-vous pu savoir ? Monsieur de Senneterre, se sentant incapable de supporter plus longtemps, a-t-il dit, la vie de continuelle fausseté que son premier mensonge lui imposait, et n'osant me faire lui-même l'aveu de cette tromperie, il en a chargé Monsieur Olivier. Enfin, c'est du moins Monsieur de Senneterre qui lui-même vous a fait faire cette révélation. Oui, et malgré la douleur qu'elle m'a causée, j'ai retrouvé là quelque chose de cette loyauté que j'aimais en lui. » « Sa loyauté ? » s'écria Ernestine avec amertume. « Sa loyauté. Et maintenant, il vous abandonne. » « Loin de m'abandonner, reprit Herminie, il me propose sa main. » « Lui, monsieur de Senneterre ? » s'écria Ernestine avec une nouvelle stupeur. « Mais alors, Herminie, pourquoi vous désespérez ainsi ?»« Pourquoi ? » dit la duchesse. « Parce qu'une pauvre orpheline comme moi n'achète un pareil mariage qu'au prix des humiliations les plus dures. » Herminie ne put continuer car elle entendit sonner. « Pardon, ma chère Ernestine, » reprit-elle en séchant ses larmes et contenant son émotion. « Je crois savoir quelle est la personne qui sonne là. Je ne puis me dispenser de la recevoir. » « Alors je vous quitte, Herminie, » dit Ernestine, en reprenant la hâte son châle et son chapeau, « quoiqu'il me soit bien pénible de vous laisser si triste. « Attendez du moins que cette personne soit entrée. Allez toujours ouvrir, Herminie, pendant que je vais mettre mon chapeau. » La duchesse fit un pas vers la porte, mais par un sentiment rempli de délicatesse, réfléchissant à la difformité de M. de Maillefort, elle revint et dit à son amie « Ma chère Ernestine, afin d'épargner à la personne que j'attends le petit désagrément que lui causerait peut-être l'expression de votre surprise à la vue de son infirmité, je vous préviens que cette personne est bossue. » Soudain, Mademoiselle de Beauménil se rappela que sa gouvernante lui avait appris que le marquis de Maillefort s'était fait donner l'adresse d'Herminie. Une crainte vague lui fit demander à Herminie avec un embarras mortel. « Et quelle est cette personne ?»« Un excellent homme, qu'une circonstance étrange m'a fait connaître, car il appartient au grand monde. Mais je crains de trop tarder à ouvrir. Excusez-moi, ma chère Ernestine. » Et Herminie disparut. Ernestine resta immobile, atterrée. Un invincible pressentiment lui disait que M. de Maillefort allait entrer, la trouver chez Herminie, et quoique Mademoiselle de Beauménil dût aux paroles ironiques du marquis le désir et la volonté de tenter l'épreuve qu'elle avait subie lors de sa présentation chez Mme Herbeau, quoique enfin elle ressentît pour lui une sorte de revirement sympathique, elle ignorait encore jusqu'à quel point elle pouvait compter sur M. de Maillefort, et cette rencontre la désolait. Ernestine ne s'était pas trompée. Son amie rentra accompagnée du marquis. Heureusement, Herminie, songeant seulement alors que les rideaux de son alcôve étaient ouverts, se hâta de les fermer, selon son habitude de chaste susceptibilité. La duchesse, tournant ainsi le dos à Ernestine et à M. de Maillefort, pendant quelques secondes, ne put s'apercevoir du saisissement que ces deux personnages éprouvèrent à la vue l'un de l'autre. M. de Maillefort, en reconnaissant Mademoiselle de Beauménil, tressaillit de stupeur. Une curiosité remplie d'inquiétude se peignit sur tous ses traits. Il ne pouvait en croire ses yeux. Il allait parler, lorsqu'Ernestine, pâle, tremblante, joignit vivement les mains, en le regardant d'un air si désespéré, si suppliant, que les paroles expirèrent sur les lèvres du marquis. À ce moment, Herminie se retourna. La figure de M. de Maillefort n'exprimait plus le moindre étonnement. Voulant même donner à Mademoiselle de Beauménil le temps de se remettre, Il dit à Herminie, « Je suis bien indiscret, j'en suis sûr, mademoiselle. Je viens mal à propos, peut-être ?»« Jamais, monsieur, croyez-le, vous ne viendrez mal à propos, » dit la duchesse. « Je vous demanderai seulement la permission de reconduire, mademoiselle. »« Je vous en supplie, » dit le marquis en s'inclinant. « Je serais désolé que vous fissiez pour moi la moindre cérémonie. » Il fallut à mademoiselle de Beauménil un grand empire sur elle-même pour ne pas trahir son trouble. Heureusement, la petite entrée qui précédait la chambre d'Herminie était obscure, et l'altération subite des traits d'Ernestine échappant à son amie, elle lui dit « Ernestine, après ce que je viens de vous confier, je n'ai pas besoin de vous dire combien votre présence me sera nécessaire. Hélas, je ne croyais pas devoir mettre si tôt votre amitié à l'épreuve. Par grâce, Ernestine, par pitié, ne me laissez pas trop longtemps seul. Si vous saviez combien je vais souffrir, car je ne puis plus espérer de revoir Gérald, ou l'espérance qui me reste est si incertaine que je n'ose y compter. Je vous expliquerai tout cela, mais je vous en conjure, ne me laissez pas longtemps sans vous voir. Oh, croyez bien, Herminie, que je viendrai le plus tôt que je pourrai, et ce ne sera pas ma faute si... Hélas, je comprends. Votre temps appartient au travail parce qu'il vous faut travailler pour vivre. C'est comme moi. Malgré ma douleur, il va falloir que, dans une heure, je commence ma tournée de leçons. Mes leçons, mon Dieu, c'est à peine si j'ai la tête à moi. Mais pour nous autres, ce n'est pas tout que de souffrir, il faut vivre. Herminie prononça ces derniers mots avec une si déchirante amertume que mademoiselle de Beauménil se jeta au cou de son amie en fondant en larmes. « Allons, j'aurai du courage, Ernestine, » lui dit Herminie en répondant à son étreinte. « Je vous le promets. Je me contenterai du peu de temps que vous me donnerez. J'attendrai et je me souviendrai, je vous le jure. Après-demain, si je puis. Et après tout, je le pourrai, » ajouta résolument l'orpheline. « Oui, quoi qu'il arrive, après-demain, à cette heure-ci, comptez sur moi. »« Merci, merci, » dit Herminie en embrassant Ernestine avec effusion. « Ah, la compassion que j'ai eue pour vous. Votre généreux cœur me la rend bien. »« Après-demain, » dit Herminie. « Merci encore, Ernestine. Adieu, » dit la jeune fille. Et dans un trouble inexprimable, elle se dirigea vers l'endroit où la gouvernante l'attendait dans le fiacre. Au moment où mademoiselle de Beauménil sortait de chez Herminie, elle se croisa avec un homme qui se promenait lentement dans la rue en regardant de temps à autre la maison occupée par Herminie. Cet homme était de Raville, qui, on l'a dit, venait parfois rôder autour de la demeure de la duchesse, dont il avait gardé un très irritant souvenir depuis le jour où ce cynique avait si insolemment abordé la jeune artiste alors qu'elle était sur le point d'entrer à l'hôtel de Beauménil. De Raville reconnut parfaitement la plus riche héritière de France, qui, dans son trouble, remarqua d'autant moins ce personnage qu'elle ne l'avait vu qu'une fois au Luxembourg lors de la séance de la Chambre des Pairs où M. de la Rochegue l'avait conduite. « Oh, oh, qu'est-ce ci ? La petite Beauménil, mise presque en grisette, sortant seulette, pâle et comme effarée, d'une maison de ce quartier désert, se dit de Raville avec une surprise incroyable. Suivons-la d'abord prudemment. Plus j'y songe, plus j'aime à me persuader que c'est le diable qui m'envoie une pareille bonne fortune. Oui, oui, cette découverte peut être pour moi la poule aux œufs d'or. Hé, hé, cela me réjouit le cœur et l'âme. Rien que d'y songer, j'ai des éblouissements métalliques tout à fait dans le genre de ceux de ce grenier de Mornant. » Pendant que de Raville suivait ainsi mademoiselle de Beauménil, sans qu'elle se doutât de ce dangereux espionnage, Herminie était revenue auprès de M. de Maillefort.